Dossier 2, livre page 26. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mon père et ma mère courent vite. 9, 10, 11, 12, 13. Ma grand-mère aime les fraises. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mon grand-père a faim. 21, 22, 23. Les fils et les filles aiment aller au bois. 24, 25, 26, 27. Mon frère adore les fêtes. 28, 29, 30. Ma sœur Sabine très bien chante. 40, 50, 60. Je suis très contente.